à loin d'ici, un grand empire désertique et maudit, gouverné par un câble au pouvoir psychique, qui dit jamais rien et qui est froid comme la brise. Son lieutenant tête tout haut et puissant, et seul chaos il peut canaliser sa force. Contre cet empire y'a une vieille Nenbiza, Miyako Sama numéro 19. Je m'appelle Kenneda et je recherche une fille qui s'appelle Kay. Elle doit être perdue sous les décombres. Tout a changé à cause de ce sale môme. Gouverné par un câble au pouvoir psychique.